Qu'est-ce que tu as fait, dit Bobona, à mon réveil? T'as tricoté avec les aiguilles pendant mon sommeil? Ou bien l'as-tu plongé dans de l'eau de vaisselle? En sable et le sablier tordu la manivelle? Tant est que tous les matins depuis je me débat, tous les matins que le bon Dieu fait les fesses en moi, depuis que tes petits bateaux dans l'océan de mes draps naviguent dans mes nuits et viennent enjamber la loi. Si c'est une tentative de diversion, je te préviens, ça va chercher dans les 10 ans de violon au moins. Ça pourra pas durer indéfiniment comme ça, on pourrait peut-être encore essayer de changer les draps. Est-ce que tu vois ce que je vois, ces petits bateaux qui vont sur l'eau? Ils ont des ailes, voilà pourquoi toutes les nuits j'ai dans mon lit des sirènes autour de mon cou. Est-ce que tu vois ce que je vois, ces petits bateaux qui vont sur l'eau? Ils ont des ailes, c'est toute la flotte qu'ils ont coulée sur l'oreiller. Et depuis j'écope comme un fou, j'ai beau regarder la direction sur la boussole, j'ai perdu le nord, la petite aiguille s'affole. Je pourrais peut-être lancer une bouteille à la mer, mais la bouteille est vide à l'endroit comme à l'envers. SOS en latin, mort, séance, sémaphore, mais laissez passer les femmes et les enfants d'abord. Je me vois déjà m'enfoncer derrière le hublot, ce n'est qu'un au revoir, il est mort les pieds dans l'eau. Mais si vous l'aviez vu couler mon joli bateau, tous mes rêves à son bord pour avoir rêvé tout haut. Bobonne a mis les voiles, je reste seul dans mon lit, avec mes bateaux, mes sirènes et mes insomnies. Est-ce que tu vois ce que je vois, ces petits bateaux qui vont sur l'eau? Ils ont des ailes, voilà pourquoi toutes les nuits j'ai dans mon lit des sirènes autour de mon cou. Est-ce que tu vois ce que je vois, ces petits bateaux qui vont sur l'eau? Ils ont des ailes, c'est toute la flotte qu'ils ont coulée sur l'oreiller. Et depuis j'écope comme un fou.